L'homme au masque de fer, par Paul de Saint-Victor. S'il est une époque qui semble tenir la fable et le mystère à distance, c'est le siècle de Louis XIV. Il semble à nu, il paraît à jour. Tous ces personnages vivent, marchent, agissent devant nous, dans un rayonnement de lumière. Louis XIV, ce roi né pour régner, selon le mot d'un contemporain, au même titre que la reine des abeilles, habite un palais de verre, une ruche de cristal. On peut suivre, dans ses plus imperceptibles évolutions, la cour bruyante et brillante qui tourbillonne autour de son trône. Que de mémoires, de chroniques, de relations, de papiers d'État, que de documents de toutes sortes. On s'y perd, on y nage. L'existence d'un homme suffirait à peine à les feuilleter. La boîte aux lettres du XVIIe siècle nous est parvenue intacte et scellée. Nous sommes renseignés sur tous ses secrets, mieux que ne le furent jamais messieurs Pajot et Rouffier, les chefs de son cabinet noir. Saint-Simon, cet espion sublime, Madame de Sévigné, cette commère exquise, D'Angeau, ce chambellan bavard, Bussy Rabutin, ce curieux cynique caché dans les ruelles, le marquis de Lafare, le marquis de Sourches, le marquis de Torcy, de Laporte, Monsieur de Cognac, Monsieur de Forbin, Madame de Lafayette, Madame de Caylus, et tant d'autres, de toutes les qualités et de tous les rangs, depuis le valet de chambre jusqu'au prince, depuis l'homme d'État jusqu'au libelliste, nous rapporte, jour par jour, la chronique publique et privée de Versailles. Ce siècle eut la rage de noter, de consigner, de raconter, d'écrire, de confier au papier ce qui ne se disait même pas à l'oreille. Précieuse manie qui nous a valu un tel concert de révélations. Ces manuscrits clandestins, enfouis dans les châteaux et dans les bibliothèques de famille, ont brisé tour à tour les cachets de cire rouge qui les bâillonnaient. Ils ont parlé, dénoncé, accusé, prouvé, rapporté, contredit, plaidé, réfuté. Nous sommes aujourd'hui presque assourdis de leurs confidences. Dans une légende allemande, des chasseurs poursuivent les daims et les cerfs en sonnant du cor par une glaciale journée de décembre. Mais le froid fige leurs fanfares. Dans les spirales sourdes de cuivre, pas un son ne peut en sortir. Cependant, les veneurs rentrent le soir au château et se pressent devant le foyer en flammes. Alors, leurs trompes dégelées sonnent, d'elles-mêmes, les airs qu'elles avaient absorbés pendant tout le jour, sans en omettre une seule note. Il en est ainsi des témoignages secrets de ce temps. Ils sont restés, pendant tout le siècle, figés sur le papier muet, comprimés qu'ils étaient par la raison d'État, par le respect, par la crainte. Mais, d'un siècle à l'autre, le changement d'atmosphère les a délivrés. Tous ces instruments de haine, de justice, de révélation, de vengeance, ont donné leur note, rendu leur bruit, soupiré leur plainte, poussé leur clameur. L'orchestre du siècle est au grand complet. Nous avons tous nos grandes et nos petites entrées à Versailles. Nous sommes des voyages de Marly et de Fontainebleau. Nous suivons le roi pas à pas durant 60 ans, comme le capitaine de ses gardes a pu le suivre, toujours et partout, jusque dans l'alcôve. Nous vivons dans le parboulot des princes et des princesses. Nous abordons familièrement les ministres. Il n'est pas un grand seigneur, pas un courtisan, pas un gentilhomme, dont nous ne connaissions la maison, la naissance, la parenté, les alliances, les mœurs, le caractère et le visage même, tant les portraits à la plume que nous avons d'eux sont vivants et sont ressemblants. Il a pourtant ses mystères, ce siècle, en apparence si ouvert et si lumineux, ses angles ténébreux où le jour n'a pas pénétré. Parmi les sculptures triomphales qui racontent la gloire du roi de Versailles, quelques sphinx se tiennent encore accroupis dans l'ombre, gardant leurs secrets. Tout d'abord, le masque de fer, dont nous allons parler tout à l'heure, a eu sa jumelle. Les mémoires du temps racontent l'étonnement de la cour de voir la duchesse de Bourgogne conduite, dès son arrivée en France, par Madame de Maintenon, dans un petit couvent près de Fontainebleau. Là vivait, depuis longtemps, une religieuse mauresque, inconnue au monde, et qui n'apparaissait jamais à personne, même à travers les grilles du parloir. Bontemps, le valet de chambre du roi et le confident des secrets du règne, l'avait placée dans ce couvent tout enfant, et chaque année, il payait pour elle une pension princière. La reine, lorsqu'elle était à Fontainebleau, ne manquait pas de visiter la recluse. Après sa mort, Madame de Maintenon continua ses visites sans trop se cacher. Cadeaux et bénéfices, dotations et privilèges pleuvaient sourdement sur ce cloître obscur. Monseigneur y allait quelquefois, et un jour, il y menait les enfants de France. La nonne mystérieuse était traitée, dans le couvent, sur le pied d'une abbesse à crosse et à mitre. On la cachait, et on l'honorait comme ces madones noires attribuées à Saint-Luc qui font des miracles, attirent des pèlerinages et que les moines italiens enferment sous triple clé dans un tabernacle. Elle-même se montrait fière des mystères dont on l'entourait et prenait avec ses compagnes les airs d'une petite reine de Saba. Un jour que l'on entendait, du couvent, sonner les cors et aboyer la meute de la vénerie du dauphin, il lui échappa de dire « C'est mon frère qui chasse ». Le bruit courait en effet à la cour qu'elle était fille du roi et de la reine. L'étrangeté d'une moricaude éclose parmi les lys de France avait semblé un scandale. On s'était hâté de l'avouer à l'oubli. Cette conjecture admise, d'où venait le teint sombre qui fut le masque de la nonne royale? Peut-être du regard d'un de ces négrillons que l'on voit dans les tableaux du temps porter sur les escaliers de Versailles la queue et le perroquet des princesses. Quoi qu'il en soit, l'existence de cette bizarre figure est certaine et son double voile n'a jamais été soulevé. À propos de masques, Saint-Simon raconte en témoin oculaire une étrange histoire qui paraît plus bizarre encore lorsqu'on songe qu'elle s'est passée dans ce palais de Versailles, si classique et si régulier. En 1705, messieurs de Boulligneux et de Bartigny, l'un lieutenant général, l'autre maréchal de camp, furent tués devant Véru au service du roi. Or, il avait été de mode, pendant le dernier carnaval, de porter des masques de cire modelés d'après les figures de quelques personnes de la cour. Ces masques se mettaient sous un autre masque ou sous le loup du domino, de façon que le danseur, en se démasquant, pût intriguer ceux qui voulaient percer son incognito, en leur montrant, au lieu de son visage, une effigie de cire assez ressemblante pour les mystifier. L'hiver suivant, on voulut recommencer cette mascarade au portrait, mais la surprise fut grande lorsqu'en fouillant dans le vestiaire des bals de Versailles, on trouva tous ces masques de cire aussi frais et aussi vermillonnés que le premier soir, excepté ceux de messieurs de Boulligneux et de Vartigny, qui, en conservant leur parfaite ressemblance, avaient la pâleur et le tiré de personnes qui viennent de mourir. Ils parurent cependant au bal, mais leur apparition fit horreur. On crut voir deux têtes de mort. On essaya de farder leur pâleur et de détendre leurs traits allongés. Rien n'y fit. Le rouge ne put mordre sur cette cire funèbre, et la raideur cadavérique y resta empreinte, comme dans le marbre d'un buste tumulaire. « Cela m'a paru si extraordinaire, ajoute Saint-Simon, que je l'ai cru digne d'être rapporté. Mais je m'en serais bien gardé aussi, si toute la cour n'avait pas été, comme moi, témoin et surprise extrêmement et plusieurs fois de cette étrange singularité. À la fin, on jeta les masques. » N'est-ce pas une légende encore que celle de ce maréchal Ferrand, venu de Salon, le pays de Nostradamus, pour parler au roi, de la part de la reine défunte, qui lui était apparue, sous un arbre de sa bastide? La triple muraille chinoise de l'étiquette tombe devant lui. Il monte d'emblée à l'oreille du plus inaccessible des rois. Il obtient, à première vue, deux de ces audiences après lesquelles soupiraient, en séchant sur pied, les plus grands seigneurs du royaume. D'audience à en espérer, dit Saint-Simon, rien n'était plus rare, même pour les affaires dont on avait été chargé par lui. Jamais, par exemple, à ceux qu'on envoyait ou qui revenaient d'emplois étrangers, jamais à un officier général, si on excepte certains cas très singuliers. De courtes aux généraux d'armée qui partaient et en présence du secrétaire d'État de la guerre. De plus courtes au retour, quelquefois ni en partant ni en revenant. Ce paysan provençal tient, deux heures durant, à écouter ses contes de bonne femme, ce roi, dont les minutes étaient aussi réglées que celles du soleil. Et comme le duc de Duras, après ses étonnantes audiences, surprit à dire, descendant derrière lui le grand escalier, que cet homme était un fou ou que le roi n'était pas noble, le roi s'arrête, se retourne, ce qu'il ne faisait presque jamais en marchant. « Si cela est, lui dit-il, je ne suis pas noble, car je l'ai entretenu très longtemps. » Il m'a parlé de fort bon sens, et je vous assure qu'il est fort loin d'être fou. Puis, il raconta que cet homme lui avait parlé d'une chose, arrivée depuis 20 ans, et que lui seul pouvait savoir parce qu'il ne l'avait dite à personne. C'était la rencontre qu'il avait faite d'un spectre dans la forêt de Saint-Germain, peut-être celui de cet homme noir, appelé le Grand Veneur, qui hantait les forêts royales, avec grand bruit de chiens et de trompes, et que vit aussi Henri IV. Quant au secret de l'autre monde que transmit au roi le visionnaire de Salon, ils restèrent entre le roi et ses ministres. Ce qu'il y a de plus marqué, c'est qu'aucun des ministres d'alors n'a jamais voulu parler là-dessus. Leurs amis les plus intimes les ont poussés et tournés, à plusieurs reprises, sans en avoir pu arracher un mot, et tous d'un même langage, leur ont donné le change, se sont mis à rire et à plaisanter, sans jamais sortir de ce cercle, ni enfoncer cette surface d'une ligne. Et l'empoisonnement. Quelle trace il a laissé dans cette cour où l'on ne mourait en apparence que selon les règles et avec la permission de Fagon. Le cadavre du règne des Borgia n'en est pas plus noir. Comptez que d'illustres victimes, sur lesquelles on a cru retrouver la tache du poison, Madame Henriette, la reine d'Espagne, la première dauphine, le duc et la duchesse de Bourgogne, le duc de Berry, Louvois. Tandis que Racine écartait Locuste par décence de sa tragédie de Britannicus, son hideux spectre, déguisé en grande dame, reparaissait, çà et là, dans les chambres mêmes des palais royaux. Il se glissait jusqu'au chevet des alcôves. Sa main subtile saupoudrait les fioles et remuait les coupes. On le saisit, on l'arrête. Alors, l'empoisonneuse ôte son masque de verre et le roi lui-même recule effrayé devant ses yeux funestes qui le défient de sévir. On le voit, les problèmes et les mystères, les cryptes et les oubliettes ne manquent pas à ce règne, qui ne présente au dehors qu'une surface unie. Si le siècle de Louis XIV a eu son Voltaire, il pourrait aussi avoir son Hoffmann. Mais le masque de fer était resté sa plus sombre énigme. Depuis plus d'un siècle, il intriguait l'histoire qui ne parvenait pas à le reconnaître. En 1661, un prisonnier inconnu, portant un masque, dont la mentonnière avait des ressorts d'acier, était envoyé, dans le plus grand secret, au château de l'île Sainte-Marguerite. Ses gardes avaient ordre de le tuer s'il se démasquait. Le marquis de Louvois était allé le voir et lui avait parlé debout, dans l'attitude d'un profond respect. Un jour, le prisonnier écrivait, avec un couteau, sur une assiette d'argent et la jetait par la fenêtre. Un pêcheur, qui se trouvait là, dans sa barque, ramassa l'assiette et la rapporta au gouverneur. « Avez-vous lu ?» lui demanda M. de Saint-Mars. « Ce qui est écrit sur cette assiette, et quelqu'un l'a-t-il vu entre vos mains ?»« Je ne sais pas lire, » répondit le pêcheur. « Je viens de la trouver, personne ne l'a vu. » Ce paysan fut retenu jusqu'à ce que le gouverneur fût bien informé qu'il n'avait jamais lu et que l'assiette n'avait été vue de personne. « Allez, » lui dit-il, « vous êtes bien heureux de ne savoir pas lire. » En 1690, Saint-Mars transporta la Bastille son prisonnier, toujours masqué, dans une litière étroitement fermée. Il fut logé et traité comme l'hôte d'un château royal. On ne lui refusait rien de ce qu'il demandait, et le gouverneur s'asseyait rarement devant lui. Il mourut en 1703 et fut enterré dans le cimetière de la paroisse de Saint-Paul. C'est ainsi que sa légende est racontée par Voltaire, crédule sur ce point comme ses hagiographes du Moyen-Âge qui l'a tant raillé. Les détails merveilleux dont il l'a brodé, le masque au ressort d'acier, l'assiette d'argent, la visite de Louvois, n'ont pas résisté au premier examen que la critique leur a fait subir. Mais il restait toujours le fait avéré d'un prisonnier inconnu, masqué, mystérieux, recelé, pendant 23 ans, dans les ténèbres d'une prison d'État. On avait beau raturer les fables qui surchargeaient son histoire, le point d'interrogation se dressait toujours devant les chercheurs. Un concours d'Œdipe se fit autour du sphinx enchaîné. Comme la pantoufle de Cendrillon à tous les pieds, on essaya le masque énigmatique à tous les visages. Dans le royaume du rêve, le prisonnier de Provence, ainsi que l'appelaient ses geôliers, passa successivement par tous les rangs et toutes les fortunes. Voltaire en fait un frère jumeau ou adultérin de Louis XIV, supprimé par raison d'État. Le père Griffet ressuscite, en sa personne, le comte de Vermandois, fils du roi et de Mademoiselle de Lavallière, mort au camp de Courtrai d'une fièvre maligne. Sainte-Foy applique le masque de fer à la tête coupée du duc de Monmouth, auquel il fait substituer par l'échafaud par Jacques II un patient de bonne volonté. La grande chancelle et l'anglais Dufresnoy mettent ce masque au duc de Beaufort, l'ancien roi des Halles, en punition d'un crime imaginaire dont ils ne peuvent même montrer un indice. Le chevalier de Tolès en affuble le patriarche arménien Avdic, enlevé de Constantinople par le marquis de Ferréol, ambassadeur de France, sur l'ordre de Louis XIV, qui, dans ce rapt barbaresque, agit comme un corsaire couronné. Paul Lacroix, avec une science ingénieuse, a cru reconnaître Fouquet dans le captif masqué de Pignerol. Et ce n'est là que l'élite des conjectures et des hypothèses. Il fut un temps où deviner le masque de fer était le jeu de société à la mode, la charade en vogue. C'est ainsi que le chevalier de Rohan, un fils de Cromwell, un fils de Christine et de Monaldeschi, quatre fils naturels attribués à Madame Henriette, à Marie-Thérèse, à Marie-Louise d'Orléans et à Marie-Anne de Neuilbourg, seconde femme de Charles II, roi d'Espagne, furent successivement lancés dans la circulation de l'histoire. Jamais Dieu de l'Inde ne subit tant de métempsychoses et tant d'avatars. Le nuage d'Hamlet, dans lequel Polonius voit, tour à tour, un chameau, une belette et une baleine, n'était pas plus mobile et plus chimérique que ce noir problème flottant sur l'horizon du grand siècle. La question du prisonnier de Provence était devenue une sorte de mascarade illusoire, dont les personnages se croisaient dans l'ombre autour d'un fantôme dont ils arrachaient le masque en passant pour se le mettre au visage. Mais l'enveloppe apocryphe en tombait bientôt et le spectre restait immobile et impénétrable, aussitôt refait que défait, comme le voile fabuleux d'Isis. Aujourd'hui, l'énigme paraît résolue. D'après les constatations évidentes de la critique moderne, l'homme au masque de fer n'est autre que le comte Hercule Mattioli, secrétaire d'État de Charles IV de Gonzague, prince de Mantoue, marquis du Montferrat. Son histoire est une tragicomédie, celle d'un scapin politique trahissant ses maîtres et pris dans son piège. Par la place forte de Pignerol, la France tenait le passage des Alpes. En s'emparant de Casals, située à l'autre bout, dans le Montferrat, elle aurait occupé la route de Milan. Armée de ces deux clés, elle pouvait ouvrir et fermer à double tour à l'Italie. Louis XIV méditait depuis longtemps cette conquête. Casals, enclavée dans le territoire du Piémont, appartenait au duc de Mantoue, prince endetté et prodigue, prêt à vendre sa forteresse non pour un cheval, comme le Richard III de Shakespeare, mais pour le mulet chargé d'or, avec lequel Philippe de Macédoine prenait les villes et les citadelles. La négociation fut confiée à l'abbé d'Estrade, ambassadeur du roi à Venise. Il s'adressa au comte Mattioli. Le ministre accepta d'emblée la proposition et se chargea de la transmettre à son maître. Un rendez-vous clandestin fut pris à Venise. L'affaire s'y traita entre le prince et l'abbé, en masque, à minuit, sur la place Saint-Marc, au milieu de l'orgie nocturne du carnaval vénitien. Le prix de Casals y fut fixé à 100 000 écus. Quelques mois après, Mattioli, arrivant mystérieusement à Versailles, rédigeait avec Louvois le traité de cession et recevait de Louis XIV un pot de vin de 800 louis doubles. Casals devait ouvrir ses portes aux troupes françaises le 15 février 1679. Catina, envoyée secrètement à Pignerol par Louvois, et caché sous un faux nom dans la forteresse, se tenait prêt à s'en emparer au premier appel. Le succès de ce coup de main tenait au mystère le plus absolu. L'Espagne, le Piémont, la République de Venise se seraient levés en armes pour défendre Casals menacé. Or, deux mois après le voyage de Mattioli, les cours de Turin, de Vienne, de Madrid et les inquisiteurs d'État vénitiens connaissaient le traité dans ses moindres clauses. Le baron d'Asfeld, chargé d'échanger les ratifications, était arrêté à Milan par les Espagnols. La mine, si savamment creusée, volait en éclats. Mattioli était à vendre, mais il était aussi à revendre. C'était lui qui avait divulgué le secret de la France pour en tirer un regain d'argent. On le prit la main dans ce double sac. La colère de Louis XIV fut terrible. Imaginez Agamemnon, roi des rois, joué, dupé, mystifié par un ballet de comédie italienne. Sa vengeance fut prompte, écrasante, et proportionnée aux fourbes qu'elle voulait punir. Un guet-apens royal répondit à son traquenard. Attiré par un bruit d'argent qu'on lui fit sonner aux oreilles, Mattioli se laissa sautement enlever de Turin dans son carrosse par l'abbé d'Estrade et conduire, sur la frontière, à une hôtellerie où l'attendait Catina. Ils entrèrent tous trois dans une chambre. On feignit de reprendre la négociation. Un instant après, l'abbé sortit sans affectation et donna le signal. La porte se rouvrit brusquement. Des dragons apostés entrèrent, saisirent Mattioli et le bâillonnèrent. Une demi-heure après, il était enfermé dans le donjon de Pignerol. Ce n'était pas une captivité, c'était un ensevelissement éternel. L'homme qui avait trompé Louis XIV ne devait pas seulement être puni, mais anéanti. Quelques jours après, le roi, dans une lettre à l'abbé d'Estrade, scellait son tombeau par cette épitaphe. « Il faudra que personne ne sache ce que cet homme sera devenu. » Personne ne le sut en effet. Le duc de Mantoue ne réclama pas son ministre et se contenta d'un maudit à l'oreille dans une dépêche évasive. Un frémissement de terreur, bientôt dissipé par l'incertitude, parcourut l'Europe. Puis l'oubli se fit, avec l'ombre, autour du captif. Sa tête fut en quelque sorte retranchée de son corps par le masque dont on l'enveloppa. Son nom, des registres de ses prisons, où il fut remplacé par un pseudonyme. Son histoire, de la mémoire des hommes. Le traître disparut comme une trappe de théâtre, sans un éclair silencieux. On le suit, comme à la lueur d'une torche, à travers l'obscurité des dépêches, dans son itinéraire ténébreux. On le voit passer de Pignerol aux îles Sainte-Marguerite et à la Bastille, comme par trois étapes souterraines. Il meurt, en 1703, aussi profondément oublié que s'il avait, enterré vivant, rendu dans le cercueil son dernier soupir. Alors, le masque de fer s'entr'ouvre un instant. On confie au livre mortuaire ce secret d'État. Le nom du captif, à peine défiguré par le changement des deux lettres, est restitué à sa sépulture. Les registres de l'église Saint-Paul inscrivent sous le nom de Marchioli le mort ignoré que deux geôliers de la Bastille lui apportent à la nuit tombante. Ainsi s'achève le masque de fer par Paul de Saint-Victor.